Quand tu fais une erreur, parce qu'il y a quelque chose qui te retombe sur le nez, mais éventuellement, tu perds la certitude d'agir sans pouvoir faire d'erreur. Fait qu'automatiquement, tu continues constamment le mécanisme de penser subjectivement, ou si t'es plus avancé, de communiquer par télépathie. Mais ça change rien, parce qu'ils vont te faire des erreurs pareilles. Moi, j'y teste souvent pour le fun, pour voir ce qui va se passer. Des fois, je dis, je rentre dans les magasins, je dis, je devrais-tu rentrer dans ce porte-là ou ce porte-là? Il dit, rentre dans celle-là, franche, je me casse le nez dessus. J'ai dit, mange-donc de la marre. Je vais loin dans ma discussion avec les autres, je vais dire, ben pourquoi est-ce que tu me fais rentrer là? Ils vont dire, c'est inconstamment pour t'ajuster. Fait que tu comprends que ça, c'est parce que moi, je veux jouer avec les autres, parce que déjà, je sais qu'ils vont me faire rentrer dans la mauvaise porte. Fait que je joue leur jeu, puis ils se développent une sorte de communication entre nous autres, puis une sorte de raffinement encore de mon intelligence. Puis je suis fusionné, puis je me fie même pas à eux autres, puis je suis fusionné, puis vous autres, vous allez vous fier à eux autres, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. Ils ont mangé de bouée du coke en maudit. Les notions. C'est des lois cosmiques, c'est des lois vibratoires, ça. C'est des lois... Je vais vous dire une chose. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le pouvoir, parce que vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, vous avez des notions du pouvoir, là. Une fois que tu as une communication télépathique, je parle. Si, quand tu as une communication télépathique, tu dirais, bon ben, je rentre-tu dans ce porte-là ou dans ce porte-là, puis il dit, rentre dans ce porte-là, puis ça sera ce porte-là, marche. Il se développerait en vous, dans votre corps de désir, une sorte de vibration. Puis ça affecterait votre mental. Puis vous auriez une sorte de conscience de ce que j'appelle, moi, le pouvoir. Savez-vous qu'est-ce que c'est le pouvoir? Le pouvoir, c'est la capacité d'agir sans faire erreur. C'est ça, le pouvoir. À tous les niveaux. Ça, c'est du pouvoir, agir sans faire erreur. Puis s'ils ne veulent pas te donner le pouvoir parce qu'ils ne veulent pas te donner un niveau d'énergie trop élevé pour une condition qui n'est pas nécessaire, parce que les lois vibratoires, c'est des lois parfaites. Ils ne perdent pas d'énergie, eux autres. Fait qu'à ce moment-là, ils ne te le donnent pas. Fait que ce qu'ils font en attendant, ils aiguisent tes nerfs, puis aiguisent tes nerfs, puis ajustent tes corps, puis ajustent tes corps, de sorte qu'un jour, quand tu as besoin du pouvoir, ils passent. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Fait qu'ils vous donneront jamais le plaisir. De temps en temps, ils vont vous le faire pour vous relaxer, pour vous donner l'impression que vous avancez, vous donner l'impression que vous êtes un petit peu plus conscient. Ils vont faire rentrer dans la bonne porte, ils vont dire rentre dans cette porte-là, puis tu vas rentrer dans cette porte-là. Puis après ça, tu vas essayer la même chose dans une autre porte, puis tu vas te casser le nez. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que les notions qu'on a, nous autres, de l'évolution, puis la conscientisation, puis l'initiation solaire, puis la relation avec les plans, puis la relation avec la lumière, c'est des notions qui sont humaines, qui font partie de nos désirs spirituels, puis nos désirs personnels. Ça marche pas de même. C'est pour ça que moi, je suis rendu un chien. Pourquoi je suis rendu un chien? Parce que j'ai testé les notions à tous les niveaux. Tous les niveaux, j'ai testé. Fait que rendu aujourd'hui, Charlie, laisse-moi dire que son mieux de s'élever de bonheur en maudit avant de pas niquer la terre. Ça, c'est la différence entre vous autres. Pas plus que ça. Moi, j'ai goûté tellement. C'est la seule différence entre mon intelligence et votre intelligence. Je suis pas plus intelligent que vous autres. C'est que j'ai goûté tellement que c'est plus ajusté que vous autres. C'est la seule différence qu'il y a entre moi et vous autres. Fait que je parle de ce que je sais. Ça a l'air bien simpliste. Puis il y a bien du monde, même au niveau inconscient, qui rentre dans la porte chez Eton, puis il rentre tout le temps dans la mauvaise porte. Au lieu de rentrer dans la porte, c'est marqué « Ouvrez, tu pousses ». C'est marqué « Pousse, tu ouvres ». Vous avez connu ça? Les affaires des portes chez Steinberg? Ça va loin. Fait que quand tu rentres dans la conscience, puis tu connais les mécanismes, puis tu regardes ça de tes yeux conscients, la petite crise de porte que tu dis, c'est marqué femme, tu rouvres, tu comprends quelque chose là-dedans, Charlie. Puis ça, là, tu peux prendre ça, puis c'est ça l'infinité. Puis tant que vous êtes sur le plan matériel, ça va être de même. Fait qu'ils se servent de ça. Ils vont servir des portes pour vous rendre conscient. Va pas dire ça à un maître spirituel, il va tomber à terre. Tu dis que tu as l'église, le système nerveux. Fait qu'éventuellement, les notions, on n'a plus. Quand tu n'as plus de notions, tu arrives à la porte, tu checks, tu regardes bien comme il faut, là, c'est marqué ouvert, là, tu tires. Tu regardes, tu lis avant, au lieu de te rentrer dedans ou de demander une question aux autres. Quand ils te font une faveur, eux autres, c'est parce qu'ils ont besoin, c'est parce qu'ils veulent pas que tu te tues. Il va te garder ici. C'est le temps qu'il te font une faveur. Tu passes une rouge, là. Ça marche. Faveur. Maudit qu'on est naïf, les hommes. C'est écœurant. C'est pour ça que je me fâche. Je me fâche pas comme vous autres. T'es un vrai enragé. Fait que faites bien attention aux notions que vous avez. Surtout ceux qui ont des communications télépathiques. Il y a toujours une partie en vous qui est intelligente et une partie qui est stupide. Tout deux à la fois. On est à la fois intelligent et stupide. D'un jour, on est intelligent. Il y a toujours une partie intelligente et stupide. Ça, c'est la différence entre le corps astral, le corps de désir et les désirs. Tout le temps. Puis ils vont vous accrocher jusqu'à temps que ça soit assez nettoyé, ça. Une fois qu'ils ont nettoyé le corps de désir, c'est impossible aux entités astrales de rentrer dedans, votre conscience. Et tant qu'ils n'ont pas nettoyé le corps de désir, c'est juste que l'autre de l'autre bord, ils peuvent vous en faire faire, des tourniquettes. Puis vous faire penser que c'est votre intelligence. Et là, vous tombez dans des excuses cosmiques. Ah, c'est eux autres qui m'ont fait faire ça. C'est eux autres. Les excuses cosmiques. Ça, c'est la maladie des gens conscients, les excuses cosmiques. C'est eux autres. Ça, c'est la maladie des gens conscients. C'est eux autres qui m'ont fait perdre ma job. Puis un jour, bien, vous allez être assez écœuré de c'est eux autres, là, la notion que c'est eux autres. C'est là que vous allez descendre le fer ici. Maintenant, la volonté en maudit. C'est dur de se libérer de ces autres. C'est dur de se libérer de ces autres qui m'ont fait faire ça. Pis c'est pas que c'est eux autres. C'est que nous autres, on n'est pas ajustés à notre intelligence. À notre volonté. Nous autres, les hommes, on pense sur la Terre qu'on a le pouvoir de vivre. On n'a pas le pouvoir de vivre sur la Terre. Il n'y a aucun homme qui a le pouvoir de vivre sur la Terre. On a le pouvoir de mort, on n'a pas le pouvoir de vivre. Le pouvoir de faire, le pouvoir de vivre sur la Terre, il faut que tu le descendes, cite le pouvoir de vivre sur la Terre. Vous autres, vous pensez que vous avez le pouvoir de vivre. Vous êtes maintenu en vie par l'âme. Vous n'êtes pas maintenu en vie par votre volonté. C'est votre âme qui vous tient ici. C'est l'énergie de votre âme. La majorité des hommes sont maintenus sur la terre par le pouvoir de l'âme, pas par le pouvoir de leur volonté. C'est subtil ce que je vous dis. Rendez-vous dans votre tête, hein, qu'est-ce que vous répondez? C'est vrai, mais là, c'est vrai ou c'est pas vrai, ce que je vous dis, moi. Pouvoir de l'âme. Quand elle décide de tortiller, elle tortille. Moi, j'ose pas vous expliquer qu'est-ce que c'est de la volonté. Dans le sens que moi je le vis parce que je veux pas énerver vos bons sentiments. Si je vous expliquerais qu'est-ce que c'est de la volonté comme moi je le vis, je vous créerais un maudit choc. Toute la guerre, ensemble. Terrible la volonté. La volonté, c'est aussi terrible que de l'intelligence. L'intelligence, c'est terrible parce que de l'intelligence, c'est radiant de l'intelligence. Ça brûle toutes les notions de l'intelligence. La volonté, c'est la même chose. La volonté, ça brûle tous les obstacles. C'est C'est un principe universel. C'est pas qu'une attitude humaine. C'est pour ça que je vous dis, pour vivre une vie plus près de votre réalité, une vie pour votre bénéfice personnel à vous-même, apprenez à vous protéger contre vos notions. Comme ça, vous allez apprendre à vous renforcer, puis vous renforcer. Vous ne pouvez pas vous renforcer à l'intérieur de vos notions. Toi, tu es un exemple avec ton expérience qu'on parle. Tu ne peux pas te renforcer à l'intérieur de cette notion-là. Tu peux te soulager, mais tu ne peux pas te renforcer. Et c'est ça qui arrive. Quand vous avez des notions, vous les exécutez, vos notions, vous vous soulagez. Mais quand vous vous soulagez, vous ne vous renforcez pas. Pour se renforcer dans la vie, il faut détruire les notions. Puis pour détruire les notions, mais ça prend de l'intelligence puis de la volonté. Parce que l'un va toujours avec l'autre. C'est comme ça que l'homme se renforce, en détruisant les notions. Sans ça, il soulage. Puis une notion, vous pouvez rationaliser ça jusqu'à la fin de vos jours, ça se rationalise tout le temps de notions. Moi, je risque de compromettre ce que je veux dire, ou ce que je pourrais dire, ou ce que je voudrais dire, si je vous expliquerais le fondement de ma pensée. Parce que vos notions vont twister ce que je veux dire. Fait que j'attends que le temps passe, puis que vous en arriviez à comprendre par votre propre expérience ce que moi j'aurais pu vous dire. Je sais que le temps, en passant, ben, vous amène à ça. Anyway, fait que c'est inutile pour moi de prendre des mots pour vous les expliquer, parce qu'automatiquement, vos notions vont retourner ça en l'envers. Bernard a dit ça. J'ai jamais dit ça. Les notions nous soulagent. Il ne faut pas qu'on se soulage. Il faut qu'on se libère. Les notions, c'est des chaînes. Puis les chaînes, il faut qu'on les brise. Puis on les brise, mais quand on a plein de casse. D'être des pantins. D'être des exécuteurs. On a plein de casse. Là, ça marche. Là, ça. Il y a. Choix. Ça marche. Ça ne peut pas marcher. Il faut que ça marche. Mais on a peur d'être seul dans notre action. Alors, on se sert de nos notions. Nos notions sont une partie de la pensée collective humanité. Un homme qui a moindrement une notion, c'est une notion qui fait partie de la pensée collective d'humanité. Alors, ça nous soulage, nos notions. Ça nous soulage. C'est là qu'on fait nos erreurs. On ne se renforcit pas. Il faut qu'on se renforcisse constamment, puis constamment, puis constamment, puis constamment. Mais se renforcer réellement, pas perdre de l'énergie pour rien, à vivre des batailles comme Don Quichotte. Il y a des gens qui pensent qu'ils se renforcissent parce qu'ils vont aller gueuler contre le gouvernement, ou ils vont appartenir à des organisations pour gueuler contre ci, parce que les gens gueulent ensemble aujourd'hui, c'est plus pratique, hein? Ça fonctionne plus, là, les systèmes de pression. Là, ils se sentent bien, là. On a gagné contre les locataires, on a gagné contre les propriétaires, on a gagné contre les gouvernements. Bon, ça, c'est perdre de l'énergie, ça. C'est du don quichotisme. Mais se renforcer soi-même intérieurement, là, c'est un opé la manche. Ça, c'est un opé. Ça, c'est tough en maudit. Parce que là, tu peux plus te servir de tes notions sociales pour te donner une valeur. T'es détruit tout. Là, tu découvres ta vraie valeur. Là, la psychologie humaine, c'est un domaine qui est totalement neuf, la psychologie humaine. On commence à explorer ça, la psychologie de l'homme. On commence. On a peur des notions, on a peur du vide, puis on épouse des notions, puis c'est les notions qu'on devrait avoir peur, puis on devrait épouser le vide. Mais on ne peut pas épouser le vide avant d'avoir perdu les notions, c'est normal. En tout cas, les gens semblent avancer, le monde avance, le monde avance. Les gens deviennent un petit peu plus calmes, un petit peu moins énervés autour des oreilles. Tu que sont à la conférence vendredi à Montréal? Sacrément. C'était-tu bon? Non. Glenn commence à être un petit peu. Il change, Glenn, un petit peu. Là. Vous avez vu ça, ce qu'il projetait pour le mois prochain, là? Ça vient pas de sa notion, là. Ça vient de son intelligence. Il sort de sa mémoire, là, le gars, là. Puis il commence à glisser dans un terrain qui est plus neutre, plus objectif. Donc, ça devrait faire des conférences intéressantes. Qui va donner une conférence, bien vite, là, là-dessus. Qui sont prêts à donner des conférences en public. Il n'y en a pas? Hein? T'es prête, bien vite, toi? Hein? Ouais, t'es vite pas dit, tu penses. Si tu penses, t'es pas... En tout cas, watchez bien ça, le corps de désir, les désirs. Pardon? Il faut voir entre l'activité du corps de désir et les désirs, c'est que une fois qu'on a vu, on commence à comprendre le temps. Le temps. Et le temps doit être maîtrisé par l'homme. Et si l'homme maîtrise le temps, parce qu'il connaît la différence entre le corps de désir et les désirs, à ce moment-là, l'homme ne peut pas se tromper. L'homme doit déboucher sur quelque chose. Mais si vous n'êtes pas capable de faire la fine différence entre les deux, c'est extraordinaire le temps. Je vais vous l'expliquer d'une autre façon, le temps. Le temps, c'est la rémunération, le produit de la rémunération qui vient à l'homme lorsqu'il est capable d'entretenir subliminalement, vibratoirement, les exigences de la pesanteur sur son esprit, de la présence de l'intelligence dans son mental, pour qu'il soit éventuellement rapproché du dessein de cette intelligence pour le but qui est caché à son intelligence. Ça, c'est un aspect du temps. Vous en donnez un autre. Le temps, c'est l'interprétation pour l'homme et par l'homme de la possibilité qu'il a de remplir à longue échelle tous les aspects qui conviennent à son intelligence et qui font partie de la programmation de sa destinée. C'est un autre. J'en donne un autre. Le temps, c'est l'explication dans l'expérience de la valeur de la connaissance pour le produit du corps de désir en fonction de l'intelligence pour le bien-être de l'homme et en vertu des plans universels de l'évolution de l'humanité. Vous en avez un autre, plus proche. Un homme qui est capable de comprendre et de vivre à l'intérieur du temps est capable de sensibiliser constamment l'énergie de son corps émotionnel et de la transmuter en énergie mentale pour la faire descendre sur le plan du corps de désir, afin que le corps de désir soit l'expression de l'intelligence en lui au lieu de l'expression de la notion de ce qu'il veut pour le bien-être et pour le bénéfice de sa psychologie humaine, lui permettant ainsi de développer une sorte de résistance qui devient de plus en plus élastique et qui devient de plus en plus forte. Vous savez, quand on travaille avec le temps, c'est comme un élastique. Ça devient de plus en plus élastique, mais l'élastique, au lieu de devenir de plus en plus faible, devient de plus en plus fort. C'est ça le temps. De sorte qu'éventuellement, cet élastique-là te permet de couvrir des très longues périodes de temps et d'aller chercher dans le temps ce que tu as besoin pour vivre ta vie selon les conditions de ton tempérament et de ton caractère. Autrement dit, œuvrer réellement dans la direction de ta destinée, la créer ta destinée, ne jamais souffrir sur le plan matériel et toujours être en contrôle des événements. Être en contrôle des événements. C'est avec le temps que l'homme est en contrôle des événements. Mais la perte du contrôle des événements vient du fait qu'on se crée des désirs. C'est parce qu'on a des désirs personnels qui fait qu'on perd le contrôle des événements. Si on n'avait pas de désir, on ne perdrait jamais le contrôle des événements. Les événements sont là dans tant de temps, on arrive là, puis on ne peut pas manquer. Alors, la perte du contrôle des événements provient de l'illusion qu'on a de se créer des désirs pour cerner ces événements-là. Et comme les événements ne se manifestent jamais selon nos désirs, mais se manifestent selon la loi événementielle qui est le produit de l'activité de l'intelligence sur les plans inférieurs, à ce moment-là, on est déçu. Et éventuellement, on perd la notion du temps et on crée de plus en plus de désordre dans notre vie. Et ce désordre, bien, éventuellement, il sert à la reconstruction de nos corps quand on reprend conscience. Et c'est seulement quand l'homme a conscience du temps qu'il est d'une façon permanente dans son esprit. Il est tout le temps dans son esprit, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais aussitôt qu'il n'a pas contrôle du temps, qu'il y a de l'émotion dans son corps de désir, qu'il y a un désir quelconque, il perd contact avec son esprit. Parce que l'esprit, un homme devrait toujours être conscient dans son esprit, ça devrait toujours être là, cette affaire-là. Soit qu'il y a communication ou qu'il n'y a rien, qu'il y a rien que de l'énergie ou qu'il y a de la communication. Mais l'homme devra toujours être dans cette conscience-là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chaque seconde, ça se perd pas, tu peux pas sortir de cette affaire-là. Mais faut que tu sois totalement en dehors du temps psychologique pour être dans cette conscience permanente. Et c'est cette conscience permanente qui crée les événements qui coïncident avec ton activité créative sur le plan matériel. De sorte que tu contrôles ton temps. Au lieu de sortir, puis rentrer, puis sortir, puis rentrer, puis sortir, puis rentrer de ta conscience, t'es tout le temps dedans. Mais ça, c'est nos désirs qui nous empêchent ça. Parce qu'aussitôt qu'il nous passe un petit désir en tête, puis aussitôt qu'on a une pensée subjective dans la tête qu'on ne peut pas comprendre en fonction de notre intelligence, on crée en nous-mêmes du temps. Et le temps, bon, nous fait créer une émotivité. Puis c'est ça qui, au cours des années, désajuste notre corps de désir avec notre corps mental. C'est pour ça qu'on peut pas avoir ce qu'on veut dans la vie. Éventuellement, on perd ce pouvoir d'avoir ce qu'on veut dans la vie. Puis rendu à un certain âge, on n'a plus. Parce que c'est rendu tellement complexe, on a perdu les rouages de la machine.